Mes rêves je les oublie vite, je fais goûter mes tricks tant que je mène. J'arrive de nulle part, t'inquiète on te loupe pas si tu merdes. Je sais pas qui tu testes, on veut me sahar comme toutes les filles du bled. Je suis devenu ce que j'aurais dû être. Y'a plus de 1400 tours dans le sac du F. Le sale rat des ruelles s'en bat les coudes, ce qui est actuel. Si l'odeur de la frappe te dérange, vaut mieux pas que tu restes. Une fin gargantuesque, tu crois que je vais grailler les restes, tu rêves, je suis focus sur ma gestuelle. Pas sur ces putes d'espèces humaines. Le vautour peut planer même s'il lui reste une aile. J'avais cru voir le bout du tunnel, je voulais juste goûter ce foutu miel. Vois ce monde m'effraie, je vois que des regards froids, des visages pas à la frais, des gens qui perdent la foi. Ouais ce monde m'effraie. Vous allez pas pour être humain. Prendre fier la daronne, c'est tout ce qui compte. Ouais ce monde m'effraie, je vois que des regards froids, des visages pas à la frais, des gens qui perdent la foi. Ouais ce monde m'effraie. Vous allez pas pour être humain. Prendre fier la daronne, c'est tout ce qui compte. Moi j'en ai vu tomber de haut, se taper les dents sur le sol, les yeux rouges et par le pédo, accroché à la clé de sol. Une sale époque pour l'homme. Dès lors que les médias te façonnent, t'auras beau jouer le bonhomme, vend le but, faut être agile comme Sonny Anderson. Ils rendent fier la daronne, c'est tout ce qui compte. Même si dans les cœurs et les paupières, c'est la peine qui gronde. Sur l'autre problème sur le dos, je pars contempler le monde. Comme l'Exanatsuko, quand ça fait l'effet d'une bombe. Tu peux partir sur un coup de tête, faut profiter de chaque moment. Pendant qu'ils veulent que l'on s'injecte leur putain de poison dans le sang. Pris du Zef comme Hollande, demande au F, on s'emballe avec de la grosse bif sur de l'Hollande pendant le soundcheck. On trahira jamais nos principes. Un jour on partira, mais on restera toujours fidèle et authentique. J'en ai vu attendre que le bonheur vienne en bas du bloc. Du coup, les années s'enchaînent et t'es toujours dans le starting block. Ouais, ce monde m'effraie, je vois que des regards froids, des visages pas à la frais, des gens qui perdent la foi. Ouais, ce monde m'effraie. Vous allez pas pour être humain. Prendre fier la daronne, c'est tout ce qui compte. Ouais, ce monde m'effraie, je vois que des regards froids, des visages pas à la frais, des gens qui perdent la foi. Ouais, ce monde.